La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la physique des phénomènes ordinaires. Je dois bien le reconnaître en une forme d'aveu sincère. Lorsque nous traitons de physique dans la conversation scientifique en général, nous évoquons plutôt les mondes de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Nos invités nous parlent du boson de Higgs, du vide quantique, des quarks, du Big Bang, de l'univers primordial, des trous noirs, des ondes gravitationnelles, de la matière noire, de la non-séparabilité quantique, de la structure de l'espace-temps et d'autres sujets de ce genre qui sont tous très loin de l'expérience courante. C'est sans doute la conséquence d'un tropisme personnel dont j'admets qu'il faut que je le défasse, au moins de temps en temps, car il existe autour de nous toutes sortes de phénomènes ordinaires et d'objets familiers en apparence qui passionnent également des physiciens et dont il faut aussi parler. Par exemple, comment se forme un embouteillage? Comment se construit une fourmilière, une bulle de savon? Comment se déclenche une avalanche? Comment se propage un feu de forêt, une hola dans les tribunes d'un stade? Ou encore, que fait-on au juste quand on tricote? Quelles sont les équations du crochet? Quelle est la physique du jersey? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai invité Frédéric Leschenau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, chercheur au CNRS et vous travaillez au laboratoire de physique statistique de l'École normale supérieure. On vous définit souvent, Frédéric Leschenau, comme un physicien des petites choses. Ça vous convient comme expression? Pour le moment, ça me convient, oui. Ça donne des perspectives pour grandir. Et pourtant, oui. Mais pourtant, si on entend cette expression, on peut avoir l'impression que vous vous intéressez à un infiniment petit, justement aux particules élémentaires. Alors, mais contrairement à ces petites choses dont parlait Einstein, là, c'est vraiment les petites choses qui tiennent dans la main plutôt. Donc, c'est les objets que j'ai qualifiés à l'instant d'ordinaire. Voilà, oui. Donc, le tricot, c'est le sujet de vos deux dernières publications, oui, qui ont eu un certain retentissement. Alors, vous avez un diplôme d'école d'ingénieur, je crois. Oui. Puis vous avez passé un doctorat en physique. C'est ça. Et qu'est-ce qui fait passer de l'école d'ingénieur au tricot? C'est pas un chemin qui a l'air très direct. Et la réciproque est vraie, d'ailleurs. C'est pas parce qu'on tricote qu'on peut rentrer dans les écoles d'ingénieur. Il n'y a pas d'épreuve ni à l'oral ni à l'écrit. Pas encore. Alors bon, c'est... Je dois bien avouer, moi, j'avais la vocation de ce métier. L'école d'ingénieur, c'était surtout une manière de un peu détournée d'arriver à faire ce job. Je me rappelle gamin quand vous savez quand vous rentrez en sixième, on vous demande d'écrire sur un petit morceau de papier ce que vous voulez faire dans la vie. Et à ce moment-là, j'écrivais que je voulais être chercheur en physique, mais que bon, si j'avais le courage, mais que sinon, je ferais ingénieur. Et qu'est-ce qui vous avait intéressé dans le monde de la physique à cet âge-là? Ah, bon, quand j'étais gamin, j'ai toujours été fasciné par ces questions scientifiques. Autour de moi, j'avais des gens enfin mon père qui avait fait des études scientifiques, et puis j'avais un grand-père qui avait aussi un peu parcouru le monde, qui était ingénieur. Donc il y avait un peu cet environnement-là. Et puis il y a la boulange du grand-père de l'autre côté de la rue, où on voit des choses se mélanger, on voit... je sais pas, en fait, au fond, quelque part, je suis curieux, quoi. Donc vous regardiez des phénomènes ordinaires avec un œil curieux. Voilà. Au lieu de les considérer comme banals, ils étaient source de questionnement. Oui, enfin... Par exemple, quand on voit la pâte pétrie par le grand-père, quelles sont les questions qu'on se pose quand on a 10 ans? À ce moment-là, en fait, j'ai reçu une malle de petits chimistes, je me rappelle. Et mon père a été sympa, il m'avait fait une sorte de petit labo dans mon garage. Et donc c'était autour de la chimie encore à cette époque-là. Donc la pâte, comment de la farine en rajoutant de l'eau et puis de la levure donne cet objet magnifique, une baguette de pain. Je pense qu'il y a encore des tas de choses à comprendre sur ce sujet-là, plus en chimie qu'en physique. Mais et donc cette malle de petit chimiste que j'ai rapidement transformée en malle d'artificier, en fait, je me suis mis à faire des toutes sortes de fusées et autres pétards. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé, en fait. Je me rappelle tenir un cahier de manip quand j'étais gamin, où je collais les restes de mes essais de fusée en décrivant pourquoi mes essais rataient les uns après les autres. Vous avez des commentaires. Ouais. Et un questionnement. Ouais, pour essayer de progresser, ouais. Donc il y avait déjà peut-être les graines de la démarche. Mais donc depuis ce moment-là, je me disais que ça serait pas mal de faire ça de ma vie, oui. Bon, alors ça vous amène à une école d'ingénieur, l'école des ponts et chaussées, je crois. Oui, c'est ça. Bon, les ponts et chaussées, ça évoque pas non plus directement le tricot. Donc il doit y avoir une étape qui a manqué dans la narration que vous avez faite de votre parcours. Et oui, effectivement. Non, mais en fait, les ponts, j'ai choisi cette école-là à ce moment-là parce que c'est une école qui est très ouverte sur le monde de la recherche. Et ça s'est avéré être un très bon choix parce que ça m'a effectivement ouvert les portes du métier. En particulier, dans cette école, on fait en première année un stage d'initiation à la recherche scientifique. Et alors que la plupart des gens de ma promo ont utilisé cette excuse pour partir à l'étranger et puis aller s'amuser un mois ou deux quelque part, moi j'avais déjà bien en tête que c'était quand même ça que je voulais faire. Et je me rappelle, à ce moment-là, j'ai rencontré mon directeur de thèse, donc quelque chose comme 5 ans avant la thèse en fait, qui m'a proposé de faire un stage avec lui au CEA. Et en fait c'était marrant, c'était vraiment une belle rencontre ce jour-là. Donc les différents membres du labo présentent les différents sujets de stage. Et puis à la fin de la discussion, quand les 2-3 autres candidats sont un peu partis, il me dit « Ah, et en fait... » Bon, donc à ce moment-là, il y avait des sujets d'hydrodynamique dans ce labo. Et puis à la fin de l'entretien, il me parle d'un sujet autour des dunes de sable. Il me dit « Ouais, on se demande aussi un petit peu comment on pourrait faire des dunes. » Bon, c'était un peu le début des questions autour de la matière granulaire, qui font partie de ces petites choses, mais qui sont un grand sujet de physique. Et donc ça a piqué ma curiosité à vif. Et donc dans les jours qui ont suivi, je suis revenu vers lui autour de ce, enfin, en lui disant « ça m'intéresse vraiment ce sujet-là en particulier, et j'ai envie d'essayer ça avec vous ». Et puis c'est comme ça que cette histoire-là a commencé. On a fait un super stage tous les deux, on est devenus en fait assez copains pendant les 3 mois de stage, où j'étais d'ailleurs sur le campus de Centrale à ce moment-là. Et on a bien bossé, à la fin ça a donné lieu à un petit article grâce à la petite manip assez naïve que j'avais construite pendant le stage. C'est d'ailleurs un article dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, c'est certainement mon seul article en français. Mais donc grâce à cette expérience-là qu'on a pu continuer à discuter avec Olivier, et puis finalement Olivier Dauchaud. Olivier Dauchaud, ouais, donc mon directeur de thèse, qui et puis définir les contours du projet qui allait devenir ma thèse avec lui 5 ans plus tard. Alors on va revenir un peu plus tard à votre thèse. Mais le tricot, j'insiste. Ouais. Le lien entre la thèse et le tricot n'est pas direct. Si vous voulez vraiment suivre ce fil jusqu'au bout. Au propre comme au figuré. Ah, je vais essayer de ne pas trop multiplier les jeux de mots autour du fil. Mais donc, après l'école d'ingé, donc on ne parle pas trop de la thèse maintenant, mais c'était une thèse sur la matière granulaire. Mais j'ai toujours été intéressé par des manips, des expériences. Moi, je suis expérimentateur, j'aime bien mettre les mains dans ces systèmes-là, faire des mesures. Et j'aime bien que ces systèmes-là, ils tiennent sur la table. Donc, c'est ce qu'on appelle des tabletop experiments. Mais on voit tout, et pour faire des mesures, on va prendre des photos, et puis on va utiliser d'autres capteurs éventuellement. Et donc, le sujet sur lequel je suis rentré au CNRS, c'était un peu, en toute généralité, de confiner des objets élastiques. Donc, l'archétype de ce que ça veut dire, ça, c'est le papier froissé. Et donc, le papier froissé fait partie de ces sujets qui ont l'air anodins, mais qui contiennent des tas de très bonnes questions scientifiques. Et puis, vous voyez que là, pour le coup, le lien pour passer du papier froissé au tricot, ça commence à devenir moins saugrenu. Parce que en fait un tricot, on peut voir ça comme on prend un fil, ok, et on va le confiner autour de lui-même si on veut. L'agencer. Ouais, il va lui-même s'empêtrer dans lui-même, et puis c'est une forme de confinement, et donc ça rentre un peu dans la catégorie de ces systèmes confinés élastiques dans lesquels il va y avoir des choses intéressantes à comprendre. Et vous savez tricoter, Frédéric Leschenaux? Ah, évidemment, j'ai été obligé d'apprendre à tricoter. Je suis vraiment pas très doué, à vrai dire. Et vous êtes prêt à le faire en public, sur un banc par exemple, dans un jardin? Absolument pas. Absolument pas. Alors, on s'est très vite orienté vers une machine quand même, pour de manière à obtenir des objets qu'on puisse, enfin, qui soient reproductibles déjà, qui soient suffisamment réguliers pour que les propriétés qu'on mesure soient raisonnables. Je me rappelle très bien, en fait, quand j'ai commencé à avoir cette idée, j'étais à une conférence aux États-Unis, et puis j'avais emmené des bouts de fil. Et au labo, des bouts de fil, c'est des bouts de fil qui sont élastiques, des élastomères typiquement. Et donc j'essayais d'apprendre sur une vidéo YouTube là comment tricoter. Et alors pour ceux d'entre vous qui savent tricoter, je sais pas si vous avez déjà essayé de tricoter un morceau d'élastique, mais c'est totalement impossible. Parce que c'est élastique. Alors comment se fait-il qu'un tricot soit élastique alors que ce qui le constitue ne l'est pas ? Ah voilà, bon ça c'est toute la question. Donc ça c'était vraiment l'objet de la première publie là qui. Et effectivement, c'est ça notre motivation. C'est-à-dire que l'écharpe de votre grand-mère est très très élastique. On peut l'étendre quasiment à deux fois sa taille, alors que le fil de laine lui-même est très rigide. Et la réponse à la question, c'est que quand on étire un tricot, eh bien, on sollicite le fil non pas en tension, mais en flexion. Et donc, le fil de laine est très facile à fléchir. Et c'est ça qui donne son élasticité particulière et un peu exotique au tricot. Mais comment est-ce que vous l'avez découvert ? Vous avez réfléchi simplement ? Vous avez fait des expériences ? Vous avez filmé ce qui se passe quand on... On a réfléchi très fort. Non, la question c'est, est-ce que ça relève d'une expérience de pensée à l'Einstein ? On suppose qu'une certaine loi est vraie, puis on regarde ce qu'elle implique dans telle ou telle condition qu'on peut imaginer, ou bien est-ce que c'est l'observation... grâce à des caméras, par exemple, de ce qui se passe quand on tricote, ou bien ce qui se passe quand on tire sur un tricot, qui donne la solution. Est-ce qu'il y a des simulations mathématiques ? Est-ce qu'il y a des équations associées à tout ça ? Alors, ça c'est une question à tiroir. Alors, ouvrons le premier. Je vous ai dit, moi je suis expérimentateur, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique l'objet, et puis on le prend dans les mains, et puis on le regarde, puis on le re-regarde... Et puis en fait, quand on le regarde un petit peu, puis qu'on réfléchit 5 minutes, on est quand même un petit peu mécanicien, donc on sait un petit peu comment se comportent les fils en particulier. Et donc, bon, assez vite, on a compris, en regardant l'objet, en tirant dessus, que on sollicitait le fil en flexion et que c'était ça qu'il fallait décrire. En fait, la vraie difficulté de ce projet, ça a été de le mettre en équation proprement, parce que pour passer de cette observation simple... qui est que c'est la flexion du fil qui va piloter cette réponse à quelque chose de quantitatif qui va vraiment vous prédire la forme d'un tricot dans toute situation de chargement, qui est un petit peu la vocation de ce qu'on a fait. Hein. C'est une théorie un peu premier principe qui prédit la forme de chaque maille, en fait, ses trajectoires dans un chargement un peu arbitraire d'un tricot. Ce passage-là est technique, il est assez difficile, et en particulier on peut écrire une théorie un petit peu à la louche de ce truc-là. Mais pour que ça marche, il faut 2 ans d'acharnement d'un thésard particulièrement excellent pour arriver à disons, décrire correctement ce qu'on voit en faisant des expériences. Et quand on fait de la physique, souvent, quand on s'adresse à des systèmes complexes, on définit des états d'équilibre. Est-ce que pour le tricot, ça a un sens ? Alors ça, c'est vraiment une très bonne question pour le coup. Oui, je l'avais préparé. Alors effectivement, donc une des grosses difficultés de ce travail, c'est que le jersey en particulier, c'était notre choix naïf, le jersey, parce que c'est un système qui est... Toutes les mailles sont dans le même sens, donc c'est facile à faire. Mais en fait, c'est un système horrible, parce que son état d'équilibre n'est pas bien défini. Donc, mais là encore, ceux d'entre vous qui tricotent sont certainement familiers avec cette idée qu'un morceau de jersey, il veut absolument s'enrouler sur lui-même. Et non seulement il veut s'enrouler dans un sens quand vous l'avez dans les mains, mais il va vouloir s'enrouler dans l'autre sens si vous le retournez, par exemple, dans le sens transverse. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le bout des manches de votre pull est fait d'un point qui est un point de côte et pas un point jersey, de manière à empêcher le bout de la manche de s'enrouler. Vous êtes quand même un expert du tricot. Bah du coup, bon, ça fait quand même quelques années qu'on travaille sur le sujet, mais... Mais en fait, on a travaillé aussi un petit peu sur ces aspects tridimensionnels parce que ça permet, par exemple, de fonctionnaliser le textile. Donc, en utilisant le fait que l'étoffe a envie de s'enrouler sur elle-même, eh bien, on peut faire des étoffes qui peuvent s'agrandir encore bien plus que le jersey de base. Enfin, vous avez certainement vu ces pulls avec des grosses cotes et qui sont eux-mêmes encore bien plus élastiques que le jersey. Mais on peut pousser cette idée-là, en fait, et forcer le textile à s'enrouler vraiment sur lui-même localement. Donc c'est comme s'il se rangeait tout seul, si vous voulez. Et puis ensuite, on tire dessus, on arrive à le dérouler. Donc juste en utilisant le point local qu'on choisit, eh bien, on peut vraiment fonctionnaliser l'étoffe. Est-ce que ça peut faire du bruit, un tricot ? Oui, alors celle-là encore, donc pour reprendre votre question de tout à l'heure, et donc vous faites référence là au deuxième résultat qui est que le tricot grince en fait, quand on tire dessus. Alors, bon, il faut voir que c'est quand même des tricots un peu particuliers qui sont faits de fils de pêche. Alors, ils grincent certainement un peu plus que ceux qui sont faits de laine ou de coton. Mais donc, c'est comme ça qu'on a trouvé, en fait, le deuxième résultat, qui est qu'il y a des choses qui s'apparentent à des tremblements de terre dans un tricot. Et donc, la manifestation de ça, c'est que donc quand on tient notre petit tricot de fil de pêche ou autre, et puis qu'on tire très doucement dessus, eh bien, il y a ce grincement qui se produit. On observe des réarrangements qui sont hétérogènes en espace. Et quand on a vu ça, je me rappelle très bien, on était tous les deux en train de regarder notre bout de truc, là. Et on s'est dit, bon, là, il y a quelque chose qu'on comprend pas, il faut aller regarder de plus près d'où vient ce grincement. Et... Mais il faut une bonne oreille pour l'entendre, non? Ouais, j'ai pas encore 40 ans, vous savez, je suis encore pas mal. Vous parlez de tremblement de terre, est-ce qu'on pourrait parler aussi d'avalanche? Des avalanches qui se produiraient au sein du tricot? Vous connaissez l'échelle de Richter. L'échelle de Richter, en fait, elle décrit la fréquence des événements d'une certaine taille. Et elle dit essentiellement que des grands tremblements de terre, il y en a très très peu, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup de tout petits tremblements de terre. Et la raison pour laquelle on a cette loi-là, qu'on appelle une loi de puissance en physique, dans laquelle toutes les échelles sont représentées, eh bien, pour obtenir cette représentation de toutes les échelles d'événements, un des mécanismes qui permet d'obtenir ça, c'est un mécanisme d'avalanche. Et le mécanisme d'avalanche, c'est quoi? C'est que si localement j'ai quelque chose qui casse, eh bien, je vais modifier l'environnement de cet endroit-là, de telle manière à possiblement déclencher des événements dans son voisinage. Et puis là, vous voyez qu'on a une boucle qui va pouvoir produire une avalanche. Et donc, c'est assez typiquement ce qui se produit dans la situation sismique. Et c'est aussi ce qui se produit dans notre tricot. C'est-à-dire que le mécanisme donc de ces réarrangements hétérogènes qu'on observe, c'est que si à un endroit, donc quand on tire sur l'objet à un endroit, le fil glisse sur lui-même, eh bien ça va modifier, disons, le chargement élastique de l'étoffe autour de ce croisement-là, et ça va pouvoir déclencher un autre glissement qui lui-même va déclencher le suivant. Et donc ça fait une avalanche, et qui va s'étendre du coup sur une échelle qui est plus grande que celle du croisement ou de la maille, et qui peut de fait balayer des échelles qui vont d'une maille à la taille du système. Comme je connais rien, j'ai le droit de poser des questions en apparence naïve, mais du coup, Frédéric Leschneau, est-ce que ce que vous comprenez là, avec le tricot, en utilisant le terme d'avalanche, pourrait aider à comprendre comment se déclenchent les vraies avalanches? Est-ce que c'est des mécanismes qui sont possiblement rapprochables? Ou est-ce que c'est juste une métaphore? Bon, il faut que je sois extrêmement prudent sur ce sujet. Mais personnellement, j'ai un espoir qu'on puisse, utiliser ce qu'on a compris dans le tricot pour apprendre des choses en géophysique. C'est peut-être un espoir un peu fou, mais en même temps, bon, il faut pas s'empêcher de rêver. Hein, c'est mon métier de rêver. Et en particulier, en fait, quand on regarde la morphologie de ces avalanches dans notre système, eh bien, elles ont vraiment des points communs avec les tremblements de terre. Et en particulier, ces réarrangements s'organisent autour de failles. Donc, c'est des objets étendus, mais qui ont vraiment la morphologie d'une faille. Enfin, le mécanisme s'apparente à de la fracture, vraiment. Et une des idées que j'ai envie de tester, c'est précisément, est-ce que si on regarde... Alors, ce qui est pratique avec ce système, c'est qu'on peut produire des données ad libitum, on peut fabriquer de la... Il suffit de cycler sur ce système et prendre des photos pendant... Enfin bref, on peut vraiment produire de la big data, entre guillemets, et ce qu'on peut pas faire sur des situations sismiques. Et donc j'ai espoir qu'en regardant les propriétés statistiques de ces choses-là sur des grandes sets de données, on arrive à éventuellement déjà à comprendre si on arrive à prédire la sismicité dans notre tricot, et puis éventuellement, si on y arrive, transposer ces idées dans le domaine sismique, le pas du coup est moins grand. Alors vous avez parlé, Frédéric Leschneau, du bruit que font les tricots dans certaines situations. Je vous propose qu'on écoute un peu de musique. Allons-y. You got an organ going there. No wonder the sound has so much body. Thank you. sound has so much body. Frédéric Leschenault, je ne m'attendais pas, compte tenu de ce que vous avez dit dans la première partie de l'émission, à ce que vous choisissiez de la musique électronique. Un grand classique de DJ Shadow qui m'a aidé pendant mes longues études et puis qui a aussi ponctué de nombreuses soirées. Pourquoi vous me dites ça? Je m'attendais à une musique plus je sais pas, moins artificielle. Dire coin du feu, tricot. Voilà. Ouais. Musique d'ambiance. Ah non, non, surtout pas. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, j'avais une question à propos des applications de vos travaux. Alors, d'abord, est-ce que vous avez une théorie sur la façon dont vous viennent les idées? Est-ce que c'est ce qu'on appelle de la sérendipité? C'est-à-dire que vous faites des découvertes, vous avez des idées qui vous viennent comme ça, un peu au hasard? Ou bien est-ce qu'il y a un très long questionnement, un peu obsessionnel, qui finit par déboucher sur des révélations? Alors, il y a un très long questionnement un peu obsessionnel, mais celui-là, il débouche jamais sur des révélations. Au moins, pas qui éclaire mon travail quotidien. Les idées que je mets en œuvre au labo, elles sont plutôt le résultat d'une réflexion. C'est-à-dire que il faut passer du temps à réfléchir. Il faut se donner du temps pour réfléchir. Donc, il faut le ménager. Et je pense que c'est vraiment essentiel dans ce métier. Évidemment, enfin, il faut aussi faire vivre sa curiosité, mais ça demande d'y revenir, ça demande de donc cette idée-là du tricot, bon, c'était aussi un moment où il y avait un bébé qui se préparait à la maison, donc ça sortait pas complètement de nulle part, et on était un peu dans la layette. Et puis c'était un moment où il fallait que je prenne de l'indépendance par rapport à mon équipe de travail, etc. Donc il fallait que je construise un projet qui était vraiment qui avait vraiment ma patte. Et puis oui, il y a eu un moment où effectivement j'ai pensé à ça en me disant tiens, c'est vrai que ça pourrait être un sujet marrant, mais vous voyez bien que bon, quand on est physicien au CNRS, si on commence à parler de tricot, on risque assez vite de passer pour un guignol. Et je me rappelle rentrer de vacances. Bon, c'était une idée que j'ai eue pendant les vacances parce que c'est un moment qui se prête bien pour travailler. Et je suis allé voir mon chef et je lui dis bon, Mokhtar. Je tiens d'ailleurs à saluer mon mentor et chef Mokhtar Adabedia qui m'a beaucoup beaucoup appris et beaucoup soutenu dans ses travaux et puis auquel il a très activement participé. Je suis allé voir et je lui ai dit bon Mokhtar, qu'est-ce que tu penses du tricot? Ça, et il m'a regardé, il a réfléchi deux minutes puis il m'a dit ouais vas-y Fred, c'est une bonne idée. Et quelles sont les applications de vos découvertes sur les tricots? Est-ce que les industriels s'y intéressent? Est-ce que ça permet de je sais pas, d'envisager des nouveaux points de tricot, hein, je dis n'importe quoi, ou bien est-ce que ça permet d'envisager de nouvelles formes de textiles? En fait, c'est une question. On n'aime pas trop avoir cette question en général quand on fait de la physique fondamentale, mais là, pour le coup, il se trouve que il y a pas mal de possibilités d'application de ce travail. Alors, j'ai envie de parler d'une des applications un peu inattendues de ce travail, c'est le graphisme. En fait, il y a une difficulté de représenter ou de simuler en fait des textiles à l'écran. Dans des films d'animation, par exemple. Et donc, il y a pas mal d'activités universitaires autour de ces questions-là. Et aujourd'hui, en fait, la manière de faire, c'est de faire une simulation numérique de tout le fil du tricot. Et donc, ça demande des quantités de calcul absolument impressionnantes pour réussir à faire un rendu textile à l'écran qui soit raisonnable. Et donc, dans le jury de la thèse de mon étudiant qui a soutenu lundi, il y avait une personne qui vient de cette communauté-là. Et donc, avec qui on a pas mal discuté, parce qu'effectivement, il y a des applications possibles dans ce domaine qui permettent de réduire la quantité de calcul invraisemblable qu'il faut pour pouvoir montrer à l'écran des textiles crédibles. Donc ça, c'est une des applications possibles. Alors évidemment, l'industrie est demandeuse de progrès sur la compréhension de la mécanique des textiles, en particulier parce que il y a de nombreux endroits en ingénierie où on a besoin de renforts textiles dans les composites. La 381, par exemple, est faite dans une grande proportion de fibres de carbone et noyées dans la résine. Donc tout ce qu'on peut comprendre sur ces systèmes-là va pouvoir aider ces domaines de l'industrie. Il y a une des propriétés particulières du tricot qui peut avoir des applications marrantes, c'est que, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le tricot, quand on lui donne cette forme particulière d'alterner des mailles en droit envers, eh bien il a envie de venir s'enrouler sur lui-même. Et donc ça, c'est une propriété qu'on peut s'amuser ensuite à activer. On a fait par exemple des essais avec un fil métallique de nitinol, qui est un alliage, à mémoire de forme. Et donc, on peut préparer ce tricot puis le mettre à plat. Et donc là, on vient plastifier le fil de métal de manière à ce que la configuration plate soit celle qu'on observe et qu'on a dans les mains. Et puis ensuite, si on vient le chauffer à une température raisonnable de l'ordre de 70 degrés, eh bien, cet objet va entièrement s'enrouler sur lui-même d'une manière qu'on a décidée au préalable. Donc là, c'est un petit peu une possibilité de pouvoir programmer la forme et même la réponse d'un textile. Donc ça ouvre des applications possibles, effectivement. Est-ce qu'on peut rêver à ce qu'un jour, il y ait une équation universelle du tricot, une sorte de modèle mathématique qui s'applique à toutes les formes et qui soit l'équivalent d'une véritable théorie physique? Ah mais moi, je vous vois venir, parce que vous voulez absolument qu'il y ait une théorie de tout, mais... Non, une théorie du tricot. Ah mais elle est faite, ça y est. Elle est faite, mais elle est universelle au sens où elle... Je plaisante, bien sûr. Je pense que, bon... C'est-à-dire que le tricot continue de contenir à vos yeux des mystères? Ah oui, il y a des tas de questions. Quelle est la question, par exemple, qui vous semble la plus cruciale pour que vous soyez en paix avec l'idée de tricot? Moi, je commence à être pas très loin d'être en paix avec cette idée-là, mais je pense qu'on a commencé un sujet et qu'il n'est pas prêt de se terminer. Enfin, en tout cas, du point de vue des physiciens, c'est un sujet qui existe évidemment dans des tas d'autres communautés depuis longtemps. Mais bon, là, on avait quelque chose à dire de physique sur ce sujet-là. Et de fait, en le regardant de près, ce système-là, il s'est avéré très riche. Il y a des tas d'autres choses que ce qu'on avait vu initialement qui se sont révélées. Alors évidemment, les tremblements de terre, mais il y a par exemple un autre phénomène assez marrant. Qui est que si vous laissez un morceau de jersey assez lâche sur le coin d'une table, que vous revenez au bout d'une semaine, eh bien il a complètement changé. Et ce qui se passe, c'est que le fil, en fait la structuration de ces jolies mailles de jersey change, et le fil essaie de trouver un minimum d'énergie élastique, et pour faire ça, il sort du plan du tricot et fait une petite boucle. Mais il fait ça à différents endroits et il choisit un sens un peu pour le faire. Et en faisant ça, en fait, en relaxant son énergie élastique, il réduit sa taille d'un facteur 4, typiquement. Et ça veut dire qu'à la fin de cette opération spontanée, eh bien, on obtient un textile qui est essentiellement fait d'un nouveau point. Alors, l'étudiant qui a travaillé sur ce sujet s'appelle Samuel Poinclou. Alors évidemment, on avait envie d'appeler ça le point clou. Il a un peu résisté à l'idée. Alors dans sa thèse, il a repris ça, il a appelé ça le point clos. Bon, ça va quand même le rattraper, je pense. Ouais, ça va certainement le rattraper, j'espère, disons. Mais ce système-là en particulier, donc on a une hypothèse qui est que quand vous lavez votre pull d'alpaga à la machine et que vous le passez au sèche-linge, il rétrécit très fort. Donc ça, il y a un peu différentes explications dans la littérature, mais aucune qui soit vraiment convaincante. Et donc mon hypothèse, c'est que ce changement spontané d'état qu'on a observé, c'est une des hypothèses possibles pour comprendre pourquoi les textiles, le tricot réduit sa taille très fort quand on le sèche au sèche-linge, par exemple. J'ai vu quelque part que vous intéressiez également aux t-shirts mouillés, c'est un lien. Bon, ça a un peu raté, n'en parlons plus. Vous avez dit que le projet qui a été refusé en effet par l'ANR cette année serait représenté l'année prochaine. Ouais, bon, je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais le sujet était le suivant, c'est-à-dire que on a regardé la mécanique d'un système sec, mais si on commence à y mettre des gouttes d'eau, eh bien, on s'attend à ce qu'il y ait toute une nouvelle phénoménologie qui émerge de ça. Bon, enfin, il y a des tas de questions. Si vous prenez un torchon qui est mouillé et que vous le tordez, vous allez le drainer, mais il va devenir assez rigide. Donc il y a des tas de phénomènes un peu contre-intuitifs qui arrivent quand vous mouillez un textile. Et donc là encore, il y a vraiment une avenue de choses à aller regarder. Donc c'est un bon sujet parce qu'à la fois il est assez neuf Et puis, il y a l'interaction entre l'élasticité et la tension surface qui est donnée par le liquide. Donc, il y a des ingrédients assez simples et une phénoménologie amusante. Donc c'était, c'était un des projets, mais dans la, bon, je pense que je ne vais pas trop insister dans cette direction-là. Revenons, si vous voulez bien, Frédéric Leschenot, à votre thèse de doctorat qui portait sur ce qu'on appelle la transition de jamming. Moi, je pensais que jamming, c'était le nom d'un physicien. En fait, c'est un verbe anglais qui signifie qu'on a affaire à une, je sais pas comment dire ça, une augmentation soudaine de la viscosité. Le système se bloque, gèle. Et on passe d'un état mou à un état rigide. Traffic jam, par exemple, un embouteillage, c'est bien ça que ça Exactement. Traduit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Comment se caractérise toute cette classe de phénomènes dans lesquels, à partir d'un certain régime, on observe un blocage? Alors bon, c'est une question de fond. C'est en réalité, au fond, ça fait vraiment directement référence à la matière vitreuse. Donc l'objet autour de vous qui est le plus typique de cette transition, c'est la bouteille de plastique ou le verre d'eau que vous avez à côté de vous là. C'est des systèmes qui sont désordonnés, mais rigides ou solides, disons. Et en fait, c'est un peu une des grandes questions de la matière condensée d'aujourd'hui, c'est comment caractériser, comment comprendre cette transition d'un système qui coule vers un système qui a une certaine rigidité, mais sans pourtant avoir structuré ses molécules ou ses constituants. Alors évidemment, c'est un peu compliqué d'aller regarder la dynamique des molécules d'un verre, mais par contre, c'est plus facile d'aller regarder des grains de sable dans un seau. Et la grande surprise qui a motivé mon travail de thèse, c'est que ces deux systèmes se comportent très largement de la même manière. C'est-à-dire que, en fait, quand on fait, bon, je ne vais pas dire un château de sable, parce qu'un château de sable, c'est mouillé, mais si vous faites un tas de sable sur la table, eh bien, vous voyez qu'il va rester tel qu'il est, donc il est raisonnablement rigide, et pourtant il est désordonné. Et si vous le regardez de très près, en fait, si vous faites un snapshot, par exemple, vous faites une photo de ce truc-là, sur la photo, vous n'arrivez pas à dire s'il est en train de couler ou s'il est tas de sable. De la même façon que si vous regardez les molécules d'un verre, eh bien, vous ne savez pas sur la photo distinguer si c'est un liquide ou si c'est un solide. Donc il y a vraiment une pléthore de questions autour de sujet, qui est un sujet historique. Hein. Par exemple, le fait que donc le verre, si on le refroidit un tout petit peu au voisinage de la transition où il va solidifier, eh bien sa viscosité donc prend une dizaine d'ordres de grandeur. De la même façon que si on prend du sable dans un seau et qu'on le tasse un tout petit peu, eh bien il va complètement se bloquer, il ne pourra plus du tout bouger. Donc à la fois cette question-là, en fait, elle est arrivée à la suite de nombreuses questions qui se sont posées dans les années 90 et 2000 autour de la matière granulaire en général, parce que c'est un système, là encore, très riche. Donc la matière granulaire, c'est n'importe quelle assemblée de grains secs, donc votre paquet de riz ou évidemment le sable de plage ou autre. Ou le blé dans les silos. Par exemple, le blé dans les silos, ouais. Donc il y a vraiment des tas de questions industrielles et des tas de phénomènes qui sont très bizarres. Alors par exemple, les silos qui explosent. Donc ça, c'est un problème industriel important. En fait, là, ces études sur la matière granulaire ont permis de comprendre un certain nombre de ces problèmes. Par exemple, la raison pour laquelle les silos explosent, c'est que ces petits grains-là, ils veulent faire des voûtes dans les silos, et puis ils vont concentrer en fait le poids des grains à des endroits complètement inattendus, qui peuvent être très très ponctuels. Et c'est pour ça que les silos explosent, par exemple. Bon, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Parce que le poids apparent d'un silo n'est pas la somme des poids de ses constituants. Le poids apparent est différent du poids réel. Oui, enfin, on peut le dire comme ça. C'est que si vous posez une balance qui ne touche pas les bords du silo, au fond du silo, et que vous remplissez, en fait, quand vous avez rempli une hauteur de silo qui correspond typiquement à sa largeur, la balance sature. Vous ne voyez plus le poids du grain. Et en fait, le poids du grain, il va être porté sur les parois. Au travers d'un mécanisme qu'on appelle l'effet Janssen et qui est un mécanisme de voûte. Donc c'est les grains qui forment des voûtes, même si les grains font 3 mm et que le silo fait 2 mètres de large, eh bien malgré tout, ces grains vont s'imbriquer les uns dans les autres pour repousser le poids sur les parois. Donc ça, c'est le mécanisme principal qui fait que si on dimensionne un silo bêtement en pensant que les grains de blé se comportent comme un liquide, eh bien on a tout faux et on fait exploser le silo. Mais même en sachant ça, il y a des fluctuations qui sont gigantesques par rapport à la moyenne et qui vont aller appuyer à des endroits du silo en concentrant beaucoup de la masse sur une toute petite surface. Et quelle serait la parade alors? Il faut agiter le silo, il faut déplacer les contraintes? On peut empêcher la formation des voûtes, par exemple, en mettant un cylindre central ou en faisant ce genre de choses. Mais bon, ça c'était un des exemples. Un autre exemple assez important, c'est que si vous agitez une collection de grains qui ont des tailles un petit peu différentes, eh bien, ils vont complètement se séparer. À la manière de systèmes thermiques, par exemple de l'huile et de l'eau, ou si vous essayez de les mélanger, ils vont se séparer. Donc ces observations-là, en fait, c'était un petit peu moi une de mes questions depuis le stage, et puis c'était ça qui a motivé ma thèse, c'était d'essayer de tirer le fil de cette analogie avec la matière thermique, où on a des phénomènes qui ressemblent très fort à ce qui se passe dans le système thermodynamique entre guillemets, et donc on s'est aperçu au moment de ma thèse et dans ces années-là quoi, que cette transition de jamming dans la matière granulaire était vraiment en tout point semblable à ce qui se passe dans un, enfin disons, ça, on peut vraiment pousser l'analogie très loin, même au niveau de la trajectoire des particules elles-mêmes. Cette analogie avec la matière vitreuse. Et donc l'expérience de ma thèse, c'était une expérience vraiment simplissime, hyper modèle d'un matériau granulaire. C'était des petits cylindres de métal posés sur une plaque. Donc on avait pris soin de choisir deux tailles de ces petits cylindres de manière à ce qu'ils n'arrivent pas du tout à faire un cristal de petits grains de métal. Qui serait ordonné. Donc c'était un système qui est fondamentalement dans un état désordonné. Et puis on a fait vibrer ce système-là, et puis on a comprimé, et puis on a regardé la trajectoire des particules. Donc c'est évidemment un système très très très lent. De la même façon que si on essaie de regarder, suivre une molécule dans un morceau de verre, on la voit pas beaucoup bouger. Et donc on a mesuré des choses intéressantes. En particulier, on s'est aperçu que pour pouvoir bouger, en fait, dans cette situation, les grains, ils sont obligés de bouger ensemble. Et donc, il y a un caractère collectif, en fait, aux relaxations de la structure de ces systèmes désordonnés. Ces observations ont été par ailleurs vues dans des systèmes vitreux plus classiques, donc des verres structuraux comme la silice et autres. Donc cette analogie s'est avérée être assez productive intellectuellement parce que on a eu l'impression d'apprendre des choses sur la matière ou de la transition vitreuse et sur les verres structuraux en regardant ce système granulaire. Alors, j'ai appris, Frédéric Leschenon, en vous lisant, qu'il n'existe pas de théorie qui prédise l'angle de repos d'un tas de sable sur une surface à partir des caractéristiques élémentaires des grains. Est-ce que cette théorie n'existe pas parce qu'il y a trop de variabilité dans le phénomène, ou est-ce que c'est simplement parce qu'elle n'a pas été trouvée? Bon, il y a des tas de phénomènes dans ces systèmes granulaires. En particulier, un des phénomènes, c'est l'effet mémoire. Donc, ces systèmes qui se rappellent comment vous les avez préparés. Et, par exemple, il y a une expérience marquante sur le tas de sable qui est assez amusante, qui est que si vous versez au travers d'un entonnoir, disons, du sable sur la table ou du sucre, vous allez obtenir un joli tas conique. Et si je vous demande où est le maximum de la pression sur la table, quelle serait votre réponse? Moi, je dirais sur les bords. Sur les bords, bon. La réponse naïve, ça serait à la verticale du sommet. Oui, mais justement, pour l'éviter, j'ai dit le contraire. Et alors, c'est entre les deux, la réponse. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais si, par contre, vous saupoudrez maintenant le sable au lieu de le verser au travers d'un entonnoir, donc si vous changez de préparation, eh ben, le maximum va se retrouver au centre. Donc ça, c'est un exemple un peu simpliste, mais il y a des exemples plus élaborés où on arrive à, en fait, enregistrer un message dans un seau de sable. Par exemple, si vous le vibrez 10 minutes à une certaine intensité, et puis ensuite vous baissez l'intensité, vous le vibrez encore un certain temps, eh bien, l'état du tas de sable, en fait, va se rappeler de combien il a vibré à telle amplitude et combien il a vibré à telle autre amplitude. De la même façon qu'en fait, un morceau de verre se rappelle de son histoire de thermique. Par exemple, si vous chauffez très fort du verre pour le faire couler et qu'ensuite vous le quenchez, vous le mettez dans dans de l'eau très froide, il va y avoir des tas de contraintes qui vont être piégées dans ce morceau de verre. Donc, mais si vous le regardez, vous pouvez pas le savoir, ça. Bon, ça, c'est un exemple, encore une fois, un peu simpliste, mais c'est des systèmes qui se rappellent de leur histoire, et donc, évidemment, que cet angle, il va dépendre de la manière avec laquelle j'ai préparé le tas. Donc, on peut pas, si je vous donne le grain, vous pouvez pas décider de quel sera son angle. Donc, ces théories, sans doute, n'existent pas. A priori, il faut faire des choses un peu plus élaborées que juste passer de la géométrie du grain à la géométrie du tas. Il faut tenir compte de tas d'autres choses, comme l'humidité de l'air, la manière de préparer le système. Alors, il y a quatre chercheurs, Frédéric Leschenot, que vous connaissez, je crois, qui sont Étienne Guyon, José Bicot, Étienne Ressa et Benoît Roman, qui viennent de publier chez Flammarion un livre qui traite de sujets semblables aux vôtres. Ce livre s'appelle « Du merveilleux caché dans le quotidien » et le sous-titre, c'est « La physique de l'élégance ». Alors, je suis très content que vous parliez de ce livre parce que c'est à la fois c'est un des copains et puis c'est ça me permet de défendre un petit peu ce sujet parce que bon, effectivement il parle des bulles de savon, des tas de sable, des pyramides, un peu du tissage, pas vraiment du tricot. Il parle de toutes sortes de phénomènes relatifs à des choses ordinaires qu'on regarde avec un œil tout d'un coup très curieux. Ouais, c'est ça. Donc bon, c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'ai regardé ces choses au labo. C'est une manière d'aborder la physique qui est assez proche. Et donc l'idée, c'est d'aller redécouvrir du mystère et des jolies choses, mais du merveilleux. Qu'est-ce que vous appelez la physique de l'élégance ? Est-ce que c'est l'élégance des choses que vous regardez ou c'est l'élégance avec laquelle vous questionnez ces choses ? Non, mais alors c'est eux qui appellent ça comme ça. Je pense que vous seriez d'accord avec cette idée que... Bon, le tricot, c'est assez rarement élégant quand même. Non, mais les raisonnements, les expériences que vous inventez pour mieux les comprendre... relève d'une certaine élégance, il y a une démarche qu'on pourrait qualifier d'esthétique. Ah oui, ça c'est pas complètement faux, ouais. Il y a une démarche un peu esthétique. C'est-à-dire que, bon, mais c'est ça, c'est quand même souvent le cas en physique, c'est que pour qu'un système soit intéressant, entre guillemets, il faut qu'il y ait quelque chose d'assez convaincant dans sa manière de se présenter à nous, au fond, qu'il y ait quelque chose de... Bon, à la fois qu'il y ait un phénomène qui soit intriguant, mais... cette notion d'élégance, en fait, elle intervient à différents endroits de la physique expérimentale. Par exemple, une belle expérience. Si vous voulez faire une expérience pour tester les propriétés d'un certain système ou d'un certain problème, en fait, il faut qu'elle soit bien conçue, cette expérience, si vous voulez qu'elle vous dise des choses sur, qu'elle réponde à des questions, qu'elle vous permette de faire des belles mesures. Et ce caractère bien conçu de l'expérience, souvent, il se révèle quand vous la voyez. Et une belle expérience, elle est souvent élégante. Donc ça, c'est un des aspects de cette question. Ça veut dire qu'elle permet de conclure, au moins partiellement. Elle tranche une question. Oui, non, mais ça c'est une chose. Ça, c'est si elle est bien faite, si elle est bien conçue. Mais une manière, a priori, au premier coup d'œil, de savoir si l'expérience elle est bien conçue, ou en tout cas pour celle que je peux faire moi au labo, c'est qu'elle elle est élégante quelque part. Elle est bien faite, elle est jolie. Bon. Mais ça, c'est pour la manip, pour le dispositif expérimental. Après, vous voyez bien que, quelque part, ces systèmes de tous les jours qui vous entourent, une bulle de savon ou tous ces les exemples dont on parle dans ce bouquin, c'est souvent des objets qui sont des objets du quotidien qui sont très jolis, en fait, dans lesquels on voit les lois de la physique au premier coup d'œil, si vous voulez. Et donc, il y a cette élégance naturelle. Que les physiciens des particules voient dans leurs accélérateurs ou que les astronomes voient ou dans leurs lunettes, mais que nous, on montre aux gens parce qu'ils semblent avoir oublié qu'il y a plein de choses qui les entourent et qui sont en fait extrêmement élégants et qui sont des manifestations de lois fondamentales de la nature. Vous avez beaucoup de succès lors de la semaine de la science puisque vous avez beaucoup de choses à montrer alors que les physiciens des particules montrent des photos. Effectivement. Surtout que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je fais souvent d'avoir des classes qui viennent au labo, c'est facile de leur montrer un tas de sable qui coule ou j'ai beaucoup travaillé sur les origamis aussi, donc ça c'est ça, les origamis. Ça parle aux gamins, c'est facile. Et c'est quoi les problèmes liés aux origamis? Il y a des tas de problèmes liés aux origamis, c'est un sujet assez neuf en fait. Et, bon, on dit origami, évidemment on fait pas des cocottes en papier, hein, mais c'est ici une manière de texturer une feuille au lieu de texturer un fil. En utilisant juste la notion de pli, donc c'est une excitation assez élémentaire de la feuille, et on change complètement les propriétés d'une feuille élastique en y mettant des plis. On peut la rendre beaucoup plus rigide, par exemple. Et on peut aussi, donc une des questions, c'est comment ranger une grande surface dans un tout petit volume. Donc oui, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais au début sur le papier froissé, mais avant d'aller vers le système désordonné qui est le papier froissé, le pliage ordonné qui est l'origami, qui correspond moralement au cristal, c'est un bon intermédiaire de pensée, si vous voulez. Et si on plie le papier d'une façon ordonnée et intelligente, est-ce qu'on arrive à en mettre plus dans un volume donné que si on le froisse bêtement? Ouais, alors justement, c'est exactement ça la question. C'est comment il faut le plier intelligemment pour que on arrive à en faire rentrer. Vous avez la réponse ou quoi? Ou c'est une recherche? Alors, lundi, mon thésard soutenait. Mardi, j'étais aux Pays-Bas pour la soutenance d'un thésard qui a travaillé précisément sur cette question, qui est, est-ce qu'on peut compter toutes les manières de plier une feuille en quatre, essentiellement? Et donc, ça a donné lieu à une thèse très, très compliquée, avec des équations infernales, où le gars a réussi à dénombrer toutes les manières possibles de plier une feuille en quatre, essentiellement. Et donc, oui, on progresse doucement dans le sens de cette pourquoi réponse. En quatre? Parce que c'est plus simple. Bon, en fait, les systèmes sur lesquels on travaille, c'est des systèmes qui sont périodiques, donc c'est des manières périodiques de plier une feuille de papier. Il y a un exemple caractéristique qu'on appelle le pliage en Murahori, qui a été inventé par un gars de la NASA japonaise précisément pour déployer des panneaux solaires ou je ne sais quoi, des voiles solaires dans l'espace. Donc c'est un pliage en chevron. Et donc si on regarde la maille élémentaire de ce système périodique, eh bien c'est le sommet en fait correspondant, c'est quelque chose qui a quatre plis. Donc c'est pour ça que je dis plier une feuille en quatre. C'est en fait essentiellement prendre une feuille et puis mettre quatre plis qui se rejoignent au centre de la feuille. Et puis, quelles sont les manières de mettre ces quatre plis de manière à pouvoir avoir un système périodique de ces plis qui permettent de complètement plier la feuille. Est-ce que vous vous intéressez aussi à la physique des nœuds? Qu'est-ce qui fait qu'un nœud de cabestan, par exemple, bloque? Alors, je suis pas marin. C'est aussi du jamming. Enfin, c'est la même chose. Mais oui, bah la même chose. Alors justement, ça reste à prouver que ça soit la même chose. Mais c'est plutôt une bonne question. En particulier, vous voyez que si je prends un fil et que au lieu de faire un réseau périodique de nœuds, qui est ce que je fais quand je tricote, bah je pourrais m'amuser à faire des nœuds de manière aléatoire et puis me poser la question petit a quelle va être la forme de cet objet et puis petit b si je serre cet objet, à quel moment est-ce qu'il va se bloquer, à quel moment est-ce qu'il va jammer. Et puis évidemment, on peut élaborer quelle va être la réponse mécanique d'un objet comme ça. On sait que par exemple, on arrive à faire des solides en utilisant des fils. Il y a vraiment des tas de bonnes questions, mais qui sont ouvertes et qui sont. C'est un très bon terrain de jeu, ce système. Enfin, on sent que vous êtes doué pour poser des questions. Mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir parce qu'ils ont des questions, des problèmes, des industriels, pas des gens qui utilisent certains matériaux et qui rencontrent. Des difficultés qui font qu'ils se tournent vers vous? Pas trop, en fait. Alors, évidemment, avec la diffusion de notre travail, j'ai eu un coup de fil de quelqu'un de chez Fildart, qu'il faut que je recontacte, d'ailleurs. Mais c'était à peu près la seule sollicitation industrielle. C'est assez rare, parce qu'on finalement, on regarde des systèmes qui sont souvent très simples, dans lesquels on apporte une compréhension qui est relativement fondamentale, mais qui est finalement un petit peu éloignée des préoccupations des industriels, qui, eux, ont déjà des réponses opérationnelles à pléthore de ces questions. Donc non, je n'ai jamais été tellement sollicité là-dessus. Est-ce que les seuls systèmes qui vous intéressent sont des systèmes inertes, comme ceux qu'on a évoqués jusqu'à maintenant, ou est-ce que il y a des systèmes vivants, je pense au vol des tourneaux, aux bancs de poissons, qui relèvent eux aussi d'une sorte de physique statistique? Bon, alors ça, c'est une question que j'ai, moi, depuis que je suis plus petit. Je suis passionné par ces effets collectifs. Donc, évidemment, les vols des tourneaux et donc ce qui se passe dans les foules. Donc, c'est aujourd'hui un domaine qu'on appelle la sociophysique. Il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Et donc, un des aspects qui était passionnant autour de la matière granulaire, c'est ces aspects collectifs, justement. Et puis, qu'on peut retrouver dans un certain nombre de ces systèmes élastiques. Donc, ce qui est pratique avec ces systèmes-là, c'est qu'ils sont le siège de phénomènes collectifs, mais à la fois, ils sont simples à manipuler, simples à mesurer, et puis, on va pouvoir, avoir des expériences reproductibles. Mais j'ai commencé à travailler avec des collègues, il y a maintenant quelques mois, sur la nage des poissons, et en particulier la nage en banc, et puis comment se fait par exemple la prise de décision dans ces bancs de poissons. Comment ça, il y a prise de décision, ça sous-entend qu'il y a un chef qui décide et qui donne des ordres, ouais. Alors justement, ça fait partie des questions. Il n'y a peut-être pas de chef, a priori. Il n'y a peut-être pas de décision. Il y a souvent, par exemple, s'il y a un prédateur qui arrive, il faut prendre la décision de se fuir très vite. C'est pas vraiment une décision, ça peut être un réflexe. Sur la prise de décision, vraiment typiquement, la question de savoir comment on va trouver à manger, par exemple. Donc si je mets des poissons dans un labyrinthe, il faut bien décider de si on va prendre la porte de gauche ou la porte de droite. Et donc ce processus de décision en vue d'explorer l'espace des possibles pour trouver à manger, il se fait d'une certaine manière qu'on aimerait comprendre. C'est peut-être quantique. Il y a une réduction du paquet d'ondes. C'est les poissons de Schrödinger. Oh. Ça changera du chat. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Et sur les vols des tourneaux, c'est un peu la même chose, non? Ou est-ce que les conditions changent complètement la nature du problème selon qu'on est dans l'eau ou dans l'air? Alors j'ai appris un truc assez drôle il y a quelques jours, qui est que donc on regarde la nage. En ce moment, on regarde la nage individuelle d'un poisson qui s'appelle le zébrafiche. Et ce poisson-là, en fait, il fait un truc assez marrant. Il fait ce qu'on appelle du burst and coast, donc il remue un coup la queue et ensuite il se laisse glisser. Et puis ce cycle-là, là, qui est le cycle total de burst and coast, il est très très régulier en fait. C'est vraiment quasiment une constante du poisson. Il peut avoir changé sa taille, vieilli, on peut le mettre en nage forcée par exemple. La longueur de ce cycle est constante. Bon. Mais cette manière de se déplacer, en fait, elle est assez générique dans le monde animal. En particulier, je crois que c'est les étourneaux qui font ça aussi. Ils battent un petit coup des ailes, puis ensuite ils se laissent planer un petit peu. Donc il y a des choses qui peuvent être très semblables, en fait, d'une espèce à une autre animale, que ce soit des poissons, des oiseaux. Mais bon, en même temps, je suis très naïf sur ces sujets-là. Moi, je viens juste de commencer à m'intéresser à des systèmes vivants. Donc, je pense qu'il vaut peut-être mieux que je m'arrête là. Je risque de dire vraiment de grosses bêtises. Là, vous parlez de sociophysique, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des comportements collectifs chez les humains, dans le comportement des foules, ou même dans la façon dont les idées se transmettent au sein d'une population, que la physique pourrait modéliser? Avec des applications qui pourraient aller jusqu'à la politique ou bien jusqu'au marketing. Certainement, oui. Donc, vous avez mentionné, je travaille au laboratoire de physique statistique. Donc, l'idée de la physique statistique, c'est que souvent, quand on a un phénomène collectif, les ingrédients individuels qui permettent de le comprendre sont raisonnablement simples. Donc, par exemple, vous parlez de la holà tout à l'heure. Mais donc, la holà, ça fait partie des phénomènes collectifs dont on a envie de dire des choses en tant que physicien. Parce que, à la fois, on sent qu'il n'y a pas besoin de grand chose à l'échelle locale pour déclencher une holà. Probablement juste du mimétisme et puis une interaction de premier voisin. Et que ces ingrédients-là, ils résonnent. Mais c'est qu'elle démarre d'une façon visible. La question de l'initiation, et donc, on en discutait vite fait tout à l'heure. Il faut certainement une petite proportion de gens qui commencent le truc pour que ça parte. Qui sont d'accord entre eux, qui se synchronisent. Mais il faut aussi qu'il y ait une susceptibilité du système qui soit suffisante pour que le truc parte. Donc là encore, ce qui est drôle, c'est qu'on peut utiliser le vocabulaire en fait du physicien pour appréhender un peu le déclenchement et la propagation de ces trucs-là. Mais en fait, c'est une vieille question, par exemple que j'ai personnelle. Par exemple, si vous mettez des gens dans un bus le jour de la fête de la musique, par exemple, si le bus est très vide, eh bien il n'y a pas beaucoup de bruit. Puis les gens vont pas beaucoup se parler. Mais au fur et à mesure que le bus arrive vers le centre-ville, il y a de plus en plus de gens et en fait il y a de plus en plus de bruit. Puis les gens, en fait, vont commencer spontanément à se parler les uns aux autres, plus avec une probabilité plus élevée que s'il y avait moins de gens. Donc, je veux pas dire qu'il est possible qu'il existe une équation d'état des gens dans un état de foule ou dans un état, disons, où leur individualité et leur caractère est moins sollicité que juste leur réflexe ou leur réaction primaire ou à ce qui les entoure. Mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles... Bon, il y a plein de travaux de fait, par exemple, sur l'écoulement des gens dans les couloirs ou comment les gens se comportent collectivement, ou disons en moyenne. Mais pour revenir à la hola, il y a sûrement des effets de culture, c'est-à-dire les hola ne démarrent pas et ne se propagent pas de la même façon dans un stade français ou italien ou mexicain, j'imagine. J'avais lu il y a quelques années un article écrit par certains de vos collègues, sûrement, qui s'intéressait au mécanisme d'applaudissement dans les concerts de musique classique. Oui, alors j'allais en parler parce que c'est effectivement un des endroits... Et on n'applaudit pas de la même façon au Japon, en France ou en Angleterre. Et donc, il y a des biais culturels dans la façon de comprendre les phénomènes collectifs, du moins quand ils concernent les humains. Mais ça n'empêche pas, par exemple, que tout le monde applaudit. Et alors, un des messages de la physique statistique, c'est que selon le matériau, la température à laquelle le matériau a changé d'état, elle peut changer. Mais par contre, le changement d'état lui-même, il va tout le temps ressembler si vous changez le matériau. Donc là, on sent qu'il y a un phénomène qui est complètement générique, qui est cette transition vers un état où les gens applaudissent. Mais j'imagine que les seuils et les détails de comment ça bouge d'une culture à l'autre sont intéressants, effectivement. Je crois me souvenir qu'en Angleterre, quand on est très content, en tant qu'individu, on continue à applaudir, même si le reste de la foule a commencé à cesser d'interrompre. Alors qu'en France, on écoute... Comment varie l'applaudissement qu'on entend pour adapter son propre applaudissement et on s'arrête avant tout le monde. Oui, ça peut certainement aussi dépendre un peu du niveau d'alcoolisation des gens. Voilà, c'est un autre paramètre culturel. En Angleterre. Frédéric Leschenault, là, les sujets dont on parle depuis le début de cette émission sont, Ce sont des sujets du quotidien, c'est même le titre de l'émission. Quel regard vous portez sur une autre physique, celle dont je parlais dans mon chapeau, qui est une physique qui utilise des très gros instruments, qu'il s'agisse de l'astrophysique ou de la physique des particules, avec le LHC qui fait 27 km, des milliers de physiciens qui collaborent. On a l'impression que c'est deux mondes complètement différents. Or, il me semble qu'ils devraient se parler davantage. Bon, alors, ils se parlent certainement d'un point de vue théorique, mais bon, c'est pas encore si clair que ça. Ce que j'en pense, bon, je suis très content qu'on ait trouvé le boson de Higgs. C'est un peu frustrant, si vous voulez, cette époque où bon, on met en œuvre des moyens considérables. Et puis, bon, enfin, je crois que même pour la communauté des physiciens des particules, le fait qu'on ne trouve pas plus que ça au LHC. Pour l'instant. C'est un peu difficile. Et bon si vous voulez, moi j'ai choisi de prendre le contre-pied de cette physique-là, d'aller à un endroit où on n'a pas besoin d'être 25 000 pour trouver quelque chose d'intéressant. Et je trouve que souvent, malheureusement, en fait, dans la physique des hautes énergies ou la physique théorique, c'est des problématiques très très inertielles et puis qui font plus tellement rêver les étudiants et qui font pas trop rêver le public non plus. Et donc dans ma démarche, il y a un peu... Vous diriez ça de l'astrophysique ? Alors, ces dernières années en astrophysique, il y a de l'imagerie qui fait quand même bien rêver les gens. Il y a les exoplanètes, il y a... Les ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles. Donc, il y a quand même vraiment des moissons de résultats qui ont été... Bon, ça produit pas mal de choses et ça fait... Bon, les gens, les étoiles, ça les fait plus rêver que les particules, je pense, quoi. Ben, ça sera le mot de la fin, Frédéric Leschenaux, je vous remercie. Je vais éviter tout jeu de mots sur les tricots stériles, parce que justement, vous avez montré que la physique des tricots n'est pas stérile. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Célia Dufour, et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'était là dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.